Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. De la pénitence. Explication. Ainsi qu'on le voit, nous considérerons la pénitence d'abord dans sa nature, comme sacrement, et comme vertu, ensuite dans ses effets, quant à la rémission des péchés mortels, et des péchés véniels, quant au retour des péchés remis, et au rétablissement des vertus. De là, nous passerons aux parties du sacrement de pénitence. Nous les examinerons en général, puis, dans le supplément à la troisième partie, nous parlerons de chacune d'elles en particulier, c'est-à-dire de la contrition, de la confession et de la satisfaction. Il s'agira enfin de ceux qui ont à recevoir le sacrement de pénitence, du pouvoir des clés, et du rite solennel de la pénitence. Question 84. De la pénitence considérée comme sacrement. La pénitence est un sacrement, sa matière et sa forme, sa nécessité pour le salut. Pourquoi ce sacrement est appelé une seconde planche? Son institution, de la durée de la pénitence, doit-elle être continuelle, de la réitération du sacrement de pénitence. 1. La pénitence est-elle un sacrement? Il y a sacrement, dit Saint Grégoire, dans une cérémonie qui a pour but de signifier ce que l'on doit recevoir saintement. Or le rite accompli dans la pénitence signifie manifestement une chose sainte, tant de la part du pénitent que de la part du prêtre. Le pénitent, en effet, y montre par ses paroles et par ses actions que son cœur a quitté le péché, et le prêtre aussi, dans ce qu'il dit et ce qu'il fait à son égard, signifie une chose sainte, l'œuvre de Dieu pardonnant les péchés. La pénitence, telle qu'elle se pratique dans l'Église, est donc un sacrement. Note. Les actes humains sensibles tiennent lieu de matière dans la pénitence, comme l'eau dans le baptême et le crème dans la confirmation. Cette matière, à la différence de celle des autres sacrements, est sanctifiée, non par le ministre de l'Église, mais par l'inspiration intérieure de Dieu même. Le ministre sacré donne la forme ou complément du sacrement en absolvant le pénitent. La pénitence intérieure du pécheur est à la fois chose et sacrement. Les actes extérieurs du pécheur pénitent, unis à ceux du ministre, sont le sacrement seul. La rémission du péché est chose seulement, et non sacrement. Nous l'avons déjà dit, le mot latin rei sacramenti, que, faute d'équivalent en français, nous sommes forcés de traduire par chose du sacrement, et proprement l'effet du sacrement. Cette formule est prise de ces paroles que le Seigneur adressa à saint Pierre en lui donnant le pouvoir des clés, « Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Matthieu 16, 19. Dieu seul, il est vrai, absout et remet les péchés par son autorité propre, mais le prêtre, qui agit comme instrument, les remet aussi par l'autorité de Dieu, et il peut dire en toute vérité, « Je vous absous ». Or, pour montrer par quelle autorité il agit, il ajoute aussitôt, « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » Le prêtre, direz-vous, a-t-il reçu une révélation pour savoir qu'il absout réellement? Le prêtre n'a pas besoin à cet égard d'une révélation spéciale, il lui suffit de savoir par la révélation générale de la foi que, les sacrements produisant des effets certains en vertu de la passion de Jésus-Christ, celui de la pénitence agit avec une efficacité indéfectible dans la rémission des péchés, si le sujet qui le reçoit ne met point obstacle à ses effets. Après tout, ces paroles, Je vous absous, signifie proprement, je vous donne le sacrement de l'absolution. Fin de la note. 2. Les péchés sont-ils la matière propre du sacrement de pénitence? Il y a deux sortes de matières, l'une prochaine, l'autre éloignée. La matière prochaine de la pénitence, ce sont les actes du pénitent, qui se rapportent aux péchés dont il se repent, qu'il confesse et pour lesquels il satisfait. La matière éloignée, ce sont les péchés mêmes que l'on doit détester et détruire. Note. Les péchés que l'on doit considérer comme matière de la pénitence sont les péchés actuels, et principalement les péchés mortels, qui donnent la mort à notre âme. Fin de la note. 3. La forme du sacrement de pénitence consiste-t-elle dans ces paroles, « Je vous absous » En toute chose, la perfection s'attribue à la forme. Si donc les sacrements de la nouvelle loi produisent ce qu'ils figurent, il faut que, dans celui de la pénitence, où le péché qui en est la matière éloignée est détruit, les paroles de la forme signifient cette destruction, et c'est ce qu'exprime le prêtre en disant « Je vous absous ». Car les péchés sont de véritables liens, ainsi que le marque ce mot, le méchant se trouve pris dans ses iniquités, et il est enchaîné dans les liens de son péché. Proverbe 5, 22. Aucune forme n'était plus convenable, car ces paroles signifient parfaitement les effets de ce sacrement. 4. L'imposition des mains est-elle nécessaire dans le sacrement de pénitence? Le Sauveur ne l'a fait mention de l'imposition des mains, ni en disant à Pierre, « Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel », ni quand il a dit à tous les apôtres, « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Jean 20, 23. C'est pourquoi l'imposition des mains, pratiqué dans certains sacrements pour signifier un effet abondant de la grâce, n'est pas nécessaire dans celui de la pénitence, qui a pour but d'opérer la rémission des péchés plutôt que de conférer la surabondance de la grâce. 5. Le sacrement de pénitence est-il de nécessité de salut? Le Seigneur a dit, « Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous, Luc 13, 3. Il y a deux sortes de nécessités, l'une absolue, l'autre hypothétique. Une chose est de nécessité absolue pour le salut lorsque, sans elle, personne ne peut se sauver, ainsi en est-il de la grâce du Christ et du sacrement de baptême, qui fait renaître dans le Christ. Nous ne dirons pas que le sacrement de pénitence est, comme le baptême, d'une nécessité absolue, mais nous dirons qu'il est nécessaire d'une nécessité hypothétique pour l'homme qui a péché mortellement depuis son baptême. En effet, la rémission des péchés mortels commis depuis le baptême ne s'obtient qu'au moyen de ce sacrement, dans lequel la passion du Christ opère par l'absolution du prêtre avec l'œuvre du pénitent, qui doit coopérer à la grâce. Suivant cette parole de saint Augustin, Dieu, qui vous a créé sans vous, ne vous justifiera pas sans vous. Le sacrement de pénitence est nécessaire après un péché non moins que la médication corporelle dans une maladie dangereuse. Note. En vain l'on prétendrait obtenir le salut par la charité, par la foi et par les œuvres de miséricorde sans le sacrement de pénitence. La charité veut que l'on déplore l'injure faite à un ami et que l'on s'efforce de lui donner satisfaction, la foi exige que l'on cherche la justification par la vertu de la passion de Jésus-Christ, qui opère dans les sacrements de l'Église. La miséricorde bien ordonnée demande que l'on vienne au secours de soi-même en faisant pénitence de son péché, conformément à cette parole, Ayez pitié de votre âme, en vous rendant agréable à Dieu. Ecclésiastique 30, 24. La femme adultère, dira-t-on, fut absoute sans le sacrement de pénitence. Il est vrai, mais elle eut du moins la pénitence intérieure, et notre Seigneur, exerçant son pouvoir souverain, la dispensa du sacrement de pénitence. Voyez, pour explication et complément de cet article, le tome 4, question 8e, article 2. Le Christ est-il le chef des hommes quant au corps, ou seulement quant aux âmes? Fin de la note. 6. La pénitence est-elle la seconde planche après le naufrage? La seconde planche après le naufrage, dit saint Jérôme, est la pénitence. De même que le premier moyen de salut pour celui qui traverse la mer est d'être conservé sain et sauf dans un vaisseau bien conditionné, et le second de s'attacher à une planche si son vaisseau se brise, de même, sur la mer de ce monde, le premier moyen de salut pour tous les hommes est d'acquérir la vie spirituelle par le baptême, de la fortifier par la confirmation et de la conserver par l'Eucharistie, et le second de recouvrer par le sacrement de pénitence la grâce sanctifiante, quand ils l'ont perdue par le péché mortel. La pénitence tient ainsi le second rang dans la vie spirituelle, et c'est pour cela que saint Jérôme l'a nommée, figurément, la seconde planche après le naufrage. Note. Les trois premiers sacrements se rapportent au vaisseau conservé, c'est-à-dire à la vie spirituelle, c'est relativement à eux que la pénitence est appelée la seconde planche de salut. 7. Le sacrement de pénitence a-t-il été convenablement institué dans la loi nouvelle? Le Seigneur lui-même a dit, il fallait que le Christ souffrit, qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour, et que la pénitence et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations. Luc 24, 46. Comme il appartenait à l'institution divine seule de déterminer de quelle manière l'homme devait faire pénitence de ses péchés et par quelle forme la vertu de la passion serait appliquée aux pécheurs pénitents, le Seigneur, dès le début de sa prédication, commanda aux hommes non seulement de se repentir, mais de faire pénitence, indiquant déjà les actes nécessaires au sacrement qu'ils devaient établir. Il détermina ensuite l'office des ministres, en disant à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Après sa résurrection, il fit connaître toute l'efficacité de ce sacrement et la source d'où il tire sa vertu, lorsqu'il annonça qu'il fallait que la pénitence et la rémission des péchés fussent prêchées à toutes les nations. Immédiatement avant ces paroles, il avait rappelé sa passion et sa résurrection, dont ce sacrement tire le pouvoir de remettre les péchés. On voit que, dans la nouvelle loi, le sacrement de pénitence a été convenablement institué. Note. Pourquoi, demandera quelqu'un, établir le sacrement de pénitence? La pénitence n'est-elle pas de droit naturel et n'existait-elle pas dans la loi ancienne? Ce qui est de droit naturel a reçu une détermination diverse dans l'ancienne loi et dans la nouvelle, suivant que l'exigeait l'imperfection de l'une et la perfection de l'autre. Sous l'ancienne loi, la pénitence fut déterminée, d'abord, quant à la douleur, qui doit être dans le cœur plutôt que dans les marques extérieures, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements », disait Joël. 2, 13. Ensuite, quant au moyen de soulager la douleur, l'homme devait confesser au moins en général ses fautes au ministre de Dieu. Présenter une oblation pour un péché, c'était le révéler de quelque manière, ainsi qu'on le voit dans les Proverbes 28, 13, celui qui cache ses crimes ne réussira point, mais celui qui les confesse et les quitte obtiendra miséricorde. Le pouvoir des clés, qui dérive de la passion du Christ, n'étant pas encore établi, les hommes n'étaient point obligés, comme sous la loi nouvelle, de joindre au repentir la résolution de se soumettre par la confession et par la satisfaction aux clés de l'Église, pour y obtenir miséricorde en vertu de la passion du Christ. Il est à remarquer que le sacrement de pénitence ne fut institué qu'après celui du baptême. Le Seigneur parla du baptême à Nicodème avant l'incarcération de Jean, et ce ne fut qu'après cette incarcération que la pénitence fut instituée comme sacrement. Notre Seigneur, dit le Concile de Trente, a principalement institué le sacrement de pénitence, lorsqu'après sa résurrection il souffla sur ses disciples, en disant, « Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Fin de la note. 8. La pénitence doit-elle durer toute la vie ? La pénitence intérieure, c'est-à-dire le déplaisir d'avoir péché, doit durer jusqu'à la fin de la vie. S'il arrivait à un homme de ressentir quelque satisfaction de ses péchés, il tomberait par là même dans une nouvelle faute et perdrait le fruit de son pardon. La pénitence extérieure, qui consiste à manifester la douleur de l'âme par des signes, à confesser les péchés en vue de l'absolution, et à les expier par la satisfaction, d'après le jugement du prêtre, ne doit pas durer jusqu'à la mort. Il suffit qu'elle se prolonge pendant un temps proportionné à la gravité du péché. Note. La pénitence intérieure ne délivre pas seulement l'homme des péchés passés, elle le préserve des péchés à venir. C'est une raison pour qu'elles doivent durer toute la vie. Fin de la note. 9. La pénitence peut-elle être continuelle? Si vous parlez de la pénitence comme acte, elle ne peut être continuelle. Les actes intérieurs et extérieurs du pénitent sont nécessairement interrompus par le sommeil et par les autres nécessités du corps. Si vous entendez la pénitence comme habitude, elle peut être continuelle, car le pénitent ne doit rien faire qui porte atteinte au repentir habituel, il doit, au contraire, persévérer dans la résolution de détester toujours ses péchés. Note. La rémission complète du péché, quant à la faute et quant à la peine, est une récompense des œuvres de pénitence. Cette grâce obtenue, il n'est plus nécessaire que la pénitence extérieure soit continuée. Mais la pénitence intérieure, entendue dans le sens qui vient d'être expliqué, doit durer toute la vie, avec cette condition toutefois qu'elle ne soit pas de nature à jeter l'homme dans le désespoir. Elle doit être réglée par la raison, autrement elle serait vicieuse. Consolez-le. Écrivait saint Paul, de peur qu'il ne s'ensevelisse dans une tristesse profonde. 2 Corinthiens 2, 7. Fin de la note. 10. Le sacrement de pénitence peut-il être réitéré? Que l'homme, prenant Dieu même pour modèle, doive exercer la miséricorde, cela est clairement enseigné par cette parole. Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Le Seigneur a imposé à ses disciples l'obligation d'une miséricorde telle, qu'il pardonne toujours les fautes commises contre eux. Quand saint Pierre fit cette demande, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui aura péché contre moi ? » Jusqu'à cette fois, il lui fut répondu, « Je ne vous dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 18, 21. Il faut en conclure que Dieu lui-même pardonne toujours aux pécheurs repentants. Aussi nous a-t-il enseigné cette prière, « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » La miséricorde divine, qui est infinie, dépasse assurément la multitude et la grandeur de tous nos péchés, ainsi que le marque cette prière du psalmiste, « Ayez pitié de moi, ô mon Dieu, selon votre grande miséricorde, et, selon la multitude de vos bontés, effacez mes iniquités. » Psaume 50, 11. Voilà pourquoi l'Écriture réprouve cette parole de Caïn, « Mon iniquité est trop grande pour que je puisse mériter le pardon. » Genèse 4, 13. Dieu pardonne indéfiniment aux pécheurs, puisqu'il est écrit, « La miséricorde immense et insondable que vous nous avez promise s'élève au-dessus de la malice des hommes. » Évidemment donc le sacrement de pénitence peut être réitéré plusieurs fois. Note. Le Seigneur a guéri un grand nombre de malades, fiévreux, aveugles, boiteux, paralytiques, lépreux, pour que le pécheur ne désespère point de la miséricorde divine. S'il n'est pas écrit qu'il a guéri plusieurs fois le même malade, c'est pour nous faire entendre que l'homme doit craindre de multiplier ses péchés. Mais nous voyons qu'il s'appelle le médecin des malades, et non des saints. Or quel médecin serait-il, s'il ne pouvait guérir qu'une fois la même maladie? Un bon médecin doit guérir 100 fois l'homme qui devient 100 fois malade. Si le Sauveur n'avait pu en faire autant, aurais-tu moins de pouvoir que les autres médecins? On vous objectera peut-être cette parole de saint Isidore, « Celui-là se moquait de ce repent pas qui fait encore les choses dont il se repent. » Il est vrai, celui-là se moquait ne se repent pas qui, pendant qu'il affecte le repentir, commet les mêmes péchés, ou se propose de les commettre, ou en commet d'autres équivalents. Mais que, plus tard, un homme pèche de fait ou de propos, cela n'exclut pas la vérité de sa pénitence antérieure. Si l'on nous répliquait que la facilité à pardonner excite à pécher de nouveau, nous répondrions par cette parole de saint Augustin, « Dieu abhorre souverainement le péché, et ce qui le prouve, c'est qu'il est toujours prêt à l'effacer. » De peur que ce qu'il a créé ne périsse et que ce qu'il a aimé ne s'abîme dans le désespoir. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.